Une guerre qui remonte au président Nixon quand il avait donné l'ordre de liquider le roi Faisal, l'oncle de Ben Salman. À cette époque-là, on a fait des hydrocarbures un produit non pas commercial, mais stratégique pour les Américains. Le roi Faisal, qui était un homme très très bon, d'ailleurs c'est lui qui a aboli l'esclavage dans la péninsule arabique en 1962, et c'était même réprimandé de prison si on n'obéissait pas. C'était un homme qui voulait libérer le pétrole, les hydrocarbures, et malheureusement, il a été assassiné par son neveu. Et son neveu, qui était un agent de la CIA. Afrique Média, le monde, c'est nous.